de diversité. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Laurent Constantin enfilera son costume de détective pour sa collègue déchiffrant le campus. Et Justine Renaud nous enseignera tout en nous divertissant avec Justine Pertine. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On t'en dirait des studios de CIFO à Trois-Rivières en ce jeudi 6 novembre 2014. On dirait que tu as eu une hésitation lorsque c'est venu le temps de dire ton nom. Mon nom? Non. Je le souligne. En mettant un espace avant et après, je fais que les gens le retiennent. OK, t'es prétentieux. C'est exactement ça. T'as tout compris. Ben voilà, je viens de démystifier qui est Mathieu Plante. Le personnage est percé. Un vrai livre ouvert, maintenant. En tout cas, différentes analogies qui ont pas Je sais pas, j'aurais plus dit comme un classique, là, Le Rocher. Percé. Uh-huh. OK, oui. Veux-tu savoir ce qui se passe à l'émission d'aujourd'hui? Ah oui, donc. Ouais. On va commencer, on va avoir, entre autres, aujourd'hui, Justine Renaud, qui va être là à 8h pour sa chronique Justine Pertine. Ah, elle va nous expliquer des choses. C'est sa chronique musico-scientifique, en effet. Ensuite de ça, à 8h30, on va recevoir Jean-Philippe Charbonneau, co-animateur des Palmarès C'est Fou, mais aussi directeur général de C'est Fou Zone Campus. Il va nous présenter, en exclusivité exclusive, à 8h30, qui va performer ce soir aux Soirées Cachées C'est Fou. Oh! C'est exclusivement exclusif. Hein. Et finalement, à 9h, le poste d'écoute avec toi, Stéphanie. Mais oui, c'est moi. Tu nous as découvert quelque chose dans la discothèque. Oui, c'est un peu comme fuchsia, violet, avec une petite touche d'orangé. Ah wow, ça a l'air bon pour les yeux, pour commencer. On verra pour le reste. Mais on va débuter avec Laurent Constantin, qui s'en vient juste là, après cette chanson qu'on va entendre de The Pack AD. C'est parfait, c'est comme pour garder au frais nos têtes l'hiver, tu sais, ce qui protège du froid, c'est du cellophane. Si on s'enveloppe la tête dans du cellophane, je pense que ça va nous... Paraît que tu peux maigrir aussi. Oui, aussi. Ou mourir. Bonne émission. We'll be right back. The Packady et Cellophane, nouvelle entrée en position numéro 17 anglophone dans les palmarès, c'est fou. Mais vous êtes à Assemblage requis, hein? L'émission matinale, là, tu sais, du matin. Pourquoi mais? Hein? Mais ben parce qu'on n'est pas au palmarès, c'est fou, ça, je veux dire. Ah, ouais, OK. Moi, ouais, c'est ça. Hey, mêle-moi pas. Ouais, c'est ça. J'ai mêlant, tout ça. Mais ce qui me mêle bon, encore pas, mais... On dirait que c'est comme mon mot fétiche du matin. Ah, j'allais dire que mais... En fait, je me rappelle plus que j'ai. T'as faim? J'ai faim. J'ai pas apporté de mais ce matin. C'est que... mais moi, je suis un gars vraiment comme incompétent dans ce que je dis, t'sais. Ben non, fait que j'ai besoin de quelqu'un pour me dire quoi penser, t'sais. Ah oui, un peu. C'est un journaliste d'enquête qu'on appelle Laurent Constantin. Voici Déchiffrons le campus. I used to own this town. Now it's all turned upside down. I wish I could figure out. Do you think it's just a phase I'm going through? Just a phase I'm going through. Faut tout le temps que t'en mettes plus que les autres. C'est mon rôle à l'émission. mais c'était peut-être de trop. Mais. Mais, on va se le dire. Mais. Donc, mémé Constantin, si on veut, tu nous as enquêté ça comme tu fais toujours. T'es allé chercher des informations de des endroits secrets dans les caves, des cavernes. Oui, avec ma lanterne, c'est ça. Sur ton front. Et je suis venu vous éclairer ce matin, Assemblage requis. Non, je fais des farces. Connaissez-vous un sympathique monsieur au gouvernement libéral, le gouvernement québécois en ce moment, monsieur Martin Coiteux? Non, là, tu me dis non. Non? Non plus, Stéphanie? Non. Martin Coiteux. What? Coiteux. Eh bien, s'il s'agit de notre ministre de l'économie en ce moment, qui faisait plutôt carrière avant dans les milieux universitaires, très associé à l'Institut économique de Montréal, donc beaucoup le néolibéralisme, les gens un peu libertariens au Québec, okay, un peu trippaient sur lui. Et là, on le retrouve au ministère de l'économie pour couper. Donc, on pourrait aussi l'appeler un peu le ministre du bricolage. On lui a donné une paire de ciseaux, de la colle, de la ficelle, ces choses-là. Et cure-pipe, là, puis et d'autres bricolages. Et la critique qu'on peut en faire, c'est que souvent, les gens vont dire « Ah, mais là, on a mis celui qui aime le plus couper, le plus détruire l'État, ou du moins diminuer sa taille, ouais, à ce poste névralgique-là. Mm-hmm. » Mais on se rappelle, sous le gouvernement péquiste, il y a quelques mois, on reprochait aussi d'avoir placé aux affaires intergouvernementales canadiennes le ministre qui, finalement, est beaucoup trop convaincu pour la souveraineté. Donc, finalement, quand on est convaincu, semblerait qu'on n'a pas de légitimité. Ouais, les gens sont jamais contents. Oui. C'est vrai, ça. Et je suis venu parler de son fameux projet de loi numéro 15. Donc... la loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du service du secteur public ainsi que des sociétés d'État. Qu'est-ce que c'est ça? Associé à ce projet de loi-là, je vais tout faire la nomenclature là, avant de vous expliquer à quoi ça ressemble. En ce moment, il y a une commission des finances publiques dans le cadre des auditions de finalement ce projet de loi-là. Donc, à quoi ça sert? C'est que ce cher ministre Coiteux-là a proposé d'abord aux Québécois quelles sont vos idées, où est-ce qu'on pourrait couper, quels sont les programmes que vous aimez le moins, que vous êtes le moins attaché, où est-ce qu'on pourrait couper finalement. Donc, cette commission-là, c'est chaque un peu institution publique doit comparaître pour expliquer sa pertinence, okay, pourquoi elle nécessite autant de financement et ensuite certaines décisions vont être prises. Mais les postes qui décident de ça, eux, ne peuvent pas être coupés. On pourrait pas dire, ma réponse, c'est « je veux qu'on coupe ton poste ». On pourrait pas dire ça. Mais il faut justifier justement en quoi notre poste est valable en tant que, c'est ça, autant du directeur de la SAQ jusqu'à une simple infirmière, j'imagine. Okay. C'est un peu... simple infirmière. De bas étage. Moi, ouais, c'est genre, okay, c'était pas péjoratif, là. J'ai déjà moi-même étudié en soins infirmiers, là. C'est pas ça que je veux dire, mais bon, voilà. Je parlais plutôt d'une structure hiérarchique. Oui. Les infirmières sont quand même le pilier de notre système de santé. Ça fait la fondation et tout ça. Mm-hmm. C'était récupéré pas mal. Je me suis bien récupéré, ouais. Parfait. Et donc, c'est le réseau des universités du Québec qui est allé comparaître pour un peu justifier sa pertinence. Et il a expliqué que, ben, dans un communiqué qui est paru sur le site de l'UQTR, sur le blog En Tête hier, je dois le préciser, mm-hmm. que les établissements de l'Université du Québec estiment que leur inclusion dans le champ d'application du projet de loi numéro 15, c'est-à-dire ben, qu'on les inclut dans toutes les réductions, ces choses-là, les compressions, représente une pression administrative sans valeur ajoutée. Oh. Donc, c'est-à-dire qu'économiser, finalement, c'est pas vraiment une économie parce qu'à long terme, on va se ramasser avec un pied dans le front. On va se nuire. On va se nuire, c'est ça. L'État risque d'entraver leur capacité à offrir des services universitaires de haute qualité à l'ensemble des citoyens sur tout le territoire québécois. Fait que ça sent bien les services de qualité, non, c'est pas vrai. Ah, ça sent bien. Ça mais je pense que c'est ça, ils veulent aussi mettre l'accent sur tout le territoire québécois parce que là, on se dit, ah, comme un peu les cégeps, les universités, il y en a certains qui sont pas rentables, ou du moins la population universitaire est stagnante, ou des programmes qui sont pas nécessairement très compétitifs. Mmh. Mais le réseau d'Université du Québec, c'est 11 établissements, si je me rappelle bien, 10 établissements qui sont répartis à travers la province. Que ce soit justement tout le réseau des universités du Québec, c'est UQAR, UQAM, UQAT, UQIAC, UQO. Okay, on a aussi l'École nationale d'administration publique, on a aussi l'INRS, on a le TELUC et on a finalement l'École de technologie supérieure. Donc, qu'est-ce qui explique, c'est que les universités du Québec veulent s'exclure, c'est ça leur recommandation, veulent s'exclure du champ d'application de la loi, c'est-à-dire cette loi-là, on ne la veut pas. Exclure l'Université du Québec du périmètre comptable gouvernemental. Donc là, c'est un peu... Ils veulent un certain recul, même si c'est un peu des universités d'État. Mm-hmm. Ils sont complètement gérés, financés par des structures étatiques. Et elles veulent se donner un certain recul. Je ne parle pas vraiment de privatisation, parce qu'ils reçoivent quand même des sommes importantes du gouvernement, mais ce qu'ils souhaitent finalement, c'est qu'ils ont déjà une liberté académique et ils veulent maintenant aussi une liberté financière. Okay. Donc, avoir le choix. Donnez-nous l'argent, on va savoir comment bien la gérer. Mm-hmm. Ne venez pas vous fouiner. Et alléger la reddition de comptes. Donc, ça va un peu de ce que je veux dire, la liberté financière, devoir moins à rendre de compte au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science. Donc, c'est quand même assez spécial que ça fasse la première page du site de l'UQTR, ce communiqué-là pour la préservation d'un système universitaire québécois équilibré et performant. C'est assez politique. Et même à travers les branches, en se promenant dans les couloirs de l'université, j'ai entendu cette rumeur auprès de quelqu'un qui serait proche de l'Association générale des étudiants okay. que Mme Nadia Ghazali, notre rectrice, mm-hmm. aurait une, si on peut dire, une pensée qu'elle aurait partagée aux différents syndicats de professeurs, chargés de cours et à l'Association des étudiants, qu'elle les encouragerait à commencer certains moyens de pression, voire peut-être même envisager la grève. Donc, faire front commun, donc pas simplement les étudiants comme en 2012, mais tout le personnel de l'université et les étudiants, front commun ensemble pour faire des moyens de pression. On a vu Mathieu Roy, président de l'AGE, sortir chez les journalistes hier pour dire qu'il était contre tout ça. Donc, c'est peut-être la première étape vers... Ça, on sait pas. Ouais. Oui, et en même temps, aussi, je salue les médias qui n'ont pas coupé tout son discours pour finalement donner l'impression que finalement, il était pour les couples. Mm-hmm. Ça, on a déjà un petit peu vu ça, malheureusement, dans les discours de Mathieu Roy, notre président à l'Association générale des étudiants. Mais c'est ça. Donc, j'imagine que dans les jours à venir, plusieurs associations étudiantes, syndicats vont prendre position, ils vont sortir publiquement. D'ailleurs, une assemblée générale aura lieu mardi le 11 novembre. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'on va en entendre parler. Jeudi prochain, c'est sûr que je vais faire un retour sur cette assemblée générale-là. C'est le jour du souvenir, en plus, là, je pense. En plus. Novembre, fait qu'on va s'en souvenir, c'est sûr. Oui, en plus, j'espère qu'on va proposer une minute de silence pour nos vétérans. Et donc, c'est quand même assez spécial ce qui va s'en venir dans les semaines, mois à suivre, une certaine mobilisation, mais qui vient autant de la base, donc des étudiants mm-hmm. qui ne comprennent pas qu'on veut couper de bons services, enlever une certaine gratuité, facturer certaines choses. On l'avait vu en début de l'année, les compressions amènent l'université à facturer certains de ses services. Ouais. Quelque chose qu'on avait déjà amorcé il y a un ou deux ans avec le prêt en bibliothèque et d'autres D'autres services comme ça. Des fois, ça peut être des petites choses comme les frais ajoutés, oui. Mais des fois, ça peut devenir de plus en plus gros. Puis de perdre des services, c'est aussi pire que de payer plus cher pour les services que tu as déjà. Donc, si les gens sortaient dans les rues il y a quelques années, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire. Oui, c'est ça, parce qu'on paye déjà un petit peu plus nos frais scolarités par année. Et là, en plus, on veut nous facturer quelques petits services par-là qui sont tout de même quand même essentiels souvent à notre parcours universitaire. Mmh. Donc, ça va brasser dans les prochaines semaines, prochains mois. Faut être à l'affût de tout ce qui va se passer. Mais oui, ça va brasser au Québec, mes amis. Ouais. Autant au niveau de l'éducation, au niveau de la santé aussi. Puis, il ne faut pas oublier non plus que Mme Ghazali avait proposé en début d'année que peut-être, avec toutes ces compressions-là, elle réouvrirait les conventions collectives. Donc, okay. Pour certaines conventions collectives qui avaient été signées lorsque les jours étaient un peu plus roses, peut-être. Pour les conventions de salaire, ouais. Et tout ça. Oui, c'est ça, qui était peut-être généreuse. Puis là, ils devraient être révisés pour revoir certains chiffres. Ouais. Donc, je vous invite, chers auditeurs, Mathieu Plante, Stéphanie, à demeurer à l'affût de tout ce qui va se passer au Québec dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça va parler beaucoup d'éducation et de la pertinence, finalement, de l'éducation. Est-ce qu'on la finance trop? Est-ce qu'on la finance pas assez? Est-ce que de couper, ça envoie un message que, finalement, l'éducation, c'est secondaire? Donc, c'était ça, mon message. Restons à l'affût. J'aime ça, puis c'est pour ça qu'on en reçoit. Est-ce qu'on le retrouve tout de suite live, là, un nouveau symbole là, après les carrés rouges? Là. Moi, je suggérerais quelque chose qui a rapport avec le bricolage. C'est un petit cure-pipe, là, ce serait pas pire. Un rond cure-pipe. Juste un carré rouge, mais le contour. Le contour. Un cure-pipe. Ouais. Oh. C'est du génie. Ou sinon, peut-être un bâton de colle pour dire qu'on veut recoller les morceaux qui ont été coupés c'est bon. Par monsieur. Tout le monde a de la colle prite, là. Prite entre les dents. Quelque chose de prite entre les dents. Ouais. On colle la page. Ouais, colle la page. Puis là, t'amènes. Ah, ben oui. T'amènes Gaston Lepage, c'est le porte-parole. C'est très bien. Gaston Lepage, porte-parole. Tout le monde gagne. Comment relever le défi dans le temps? C'était bon, ça. Oh! Petit doigt croisé, je te dois un coke. Okay. Merci Laurent Constantin. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir comme à tous les matins. Ça me fait plaisir. Tout à fait. Mais ça me fait plaisir. Réciproque, on a du plaisir en studio, okay. Mes amis. Le fun est prêt. À la semaine prochaine, jeudi à 7h30. Ça a déraillé, je pense, à la fin. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. On écoute une pièce de Deux Pouilles en cavale. OK. Tu sais, je sais pas. Y a-t-il un lien avec Frippé Pouille? Si tu veux, imagine-toi là. Fais comme si c'était lui qui chantait. Pouille, c'est celui qui avait un gros cerceau autour du ventre. Ou il était juste gros, moi, je pense. Non, il y avait un gros cerceau. Il y avait un gros cerceau, il était pas gros. Il était jaune. Ouais, sa face était quand même mince. Donc, Deux Pouilles en cavale, voici. Mais là. C'était pour ça que je la joue à cause du mais. Ah! Jules Pouillon-Caval et Wham! Et là, sur leur album Tambour et Temps Mort. On dirait qu'ils ont écrit cette chanson-là juste pour ton gag. Là. Juste pour le gag de mai, tantôt. C'est trop parfait. C'est de même les addons dans la vie. Justement, on a, par hasard total, Justine Renaud tout à l'heure. Avec Justine Pertine. Restez là. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Je vous accueille en retour à cette émission qu'on appelle Assemblage requis. Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plante. Oui, on est jeudi, dernier jour de la semaine pour bien des gens. Certains l'appellent jeudredi. Tellement c'est le dernier jour de la semaine, c'est vrai. Jeudredi. N'importe quoi. C'est vrai, je te jure. Jeudredi. Justine Redi. Justine Pertine. Oh, oh, oh. Jeudi. La journée que vous attendez tous, où ce que je vous explique les phénomènes de la nature dans Justine Pertine. Un jour, tu vas parler de toi-même tellement tu es un phénomène de la nature. Je suis un phénomène de la nature, malheureusement, parce que mon émission fait aussi appel à la musique pour appuyer mes dires. Grosso modo, il n'y a pas de chanson qui s'appelle Justine à ce que je sache. Il y en a un livre, par exemple, du Marquis de Sade, mais je ne vous le lirai pas en onde. Sur un petit bout avant techno. Minuit. Okay. Ça serait un peu bizarre. Non, mais tu sais, Marquis de Sade, c'est lui qui a... En tout cas, c'est un des... Des premiers sadiques, mettons. C'est avant Jan Gomeshi, là. C'est son prédécesseur. Excusez-moi. Jan Gomeshi. Aïe, aïe, tu vas hard aujourd'hui, ouais, un peu comme lui. On sait pas. Et tu filmes ça avec un petit ourson, avec une caméra. T'as-tu vu ces détails-là? Non. On aborde pas plus de détails, mais il y a un petit ourson, puis il filmait ses actes sexuels. C'est 2000. Donc, on disait. Pas le Marquis de Sade, ça. Il y avait non, pas de caméra dans ce temps-là. Ça. C'était une farce. Bon. À l'époque, c'était genre du papyrus ou je sais pas quoi. Il gravait les affaires dedans, comme des pierres à feu. Ouais, c'est ça. Il y avait une secrétaire, là, qui écrivait à peu près tout ce qui se passait. C'est okay. un oiseau, je pense. Ben oui. Parce que des secrétaires, ça n'existait pas dans le temps. Ah non. Aujourd'hui, on ne parlera pas du Marquis de Sade, ni de moi. On va parler des blizzards. C'est un petit peu dans la même veine qu'il y a deux ou trois chroniques. Tu sais pas, on va appeler ça semaines. Comme ça. Des chroniques. Les chroniques. Ouais. Les chroniques. Ben, bichroniques. Bimensuellement chroniques. Je vous avais parlé des cyclones tropicaux. Oui. Mais cette semaine, ça va être des cyclones extra-tropicaux hivernaux, c'est-à-dire les bords de neige qu'on reçoit en hiver. Okay. Je vous en parle parce que c'est une imminence. Il faut arrêter d'être dans le déni essentiellement. Novembre est arrivé un matin, j'ai dégivré mon auto pour la première fois. Ouais, oui. Je suis sortie les biceps hivernaux, alors ça va bien. Mais en premier, d'où vient le mot blizzard? Parce que le mot blizzard, c'est assez bizarre. Et non, ça ne vient pas du Dairy Queen. Ça ne vient, c'est pas eux qui l'ont inventé. Non, non. Ah ben là, je suis complètement abasourdi. Le mot vient en fait... vous pouvez essayer en fait de deviner d'où c'est que ça vient avec autant de Z puis de rara, avec blizzard. Ça sonne de où? Ben, sûrement ça vient de bizarre. Hein, ben, c'est sûr, avec l'allemand. Avec l'accent que t'as donné, ça sonne allemand. Ding, ding, ding! Avec ton allemand que t'as dans la bouche. Là. Ouais, un petit bout d'allemand dans la bouche. C'est okay, wesh. Une saucisse allemande dans la bouche. Et voilà! Allez coucher vos enfants. Alors... ça vient de la langue allemande, mais ce fut utilisé pour la première fois dans une petite ville du Minnesota aux États-Unis. Et depuis, ça s'est répandu ensuite dans la plupart des pays nordiques, c'est-à-dire chez nous, chez le nord des États-Unis et probablement aussi dans les pays nordiques en Europe. Mais en fait, on va s'attarder un peu à la définition en Amérique du Nord du blizzard, qui est un peu plate. On peut qualifier un blizzard officiellement comme étant, comme répondant à trois critères. Le premier étant une visibilité inférieure à 400 mètres, causée par le soulèvement de la neige ou avec ou sans chute de neige. Le deuxième critère qu'il faut remplir, c'est qu'il y ait des conditions venteuses turbulentes ou régulières qui induisent une vitesse éolienne égale ou supérieure à 50 km/h, c'est-à-dire quelqu'un qui va... à la vitesse de quelqu'un qui est dans une zone scolaire. Un lundi entre 7 et 5. Ben, c'est précis. Pas 30, la limite? Oui, je sais, mais déjà avant 50, pareil, je sais. Ah, OK. Ah. Il se pense... non. Bref. Au-dessus de en tout ça. Cas, moi, je vais à 30. je veux pas pour les autres, mais moi, je vais attendre. Je dirais plus 35-40. 35. Ben, j'en ai vu des 50. 50, c'est un peu comme... En tout cas, le bison, mettons, il est illégal dans cette zone-là. Ça OK, marche? OK, oui, oui, oui. Mais même sur l'autoroute, il est illégal. Mais non, c'est... Ah oui, c'est vrai. C'est 60, le, moi, mais c'est le minimum. Moi, mais c'est long, cette discussion-là, il me semble. Si le blizzard va à 60 km/h en montagne, il est correct sur l'autoroute. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il n'est pas obligé d'être à 50 piles. Au pire, il faut que tu mettes dans la voie de droite. OK, le troisième critère... Avec une poupée gonflable dans le deuxième siège pour faire du covoiturage. Ouais, c'est ça, voilà. OK, parfait, cool. Le troisième critère, c'est que cette tempête-là soit d'une durée de prolonger au minimum plus de 3 heures et au maximum 3 jours. Parce qu'après ça, c'est la fin du monde. Puis il y a un film avec Jake Gyllenhaal qui se fait, puis c'est la fin du monde, OK? D'accord. Cependant, la définition scientifique du mot blizzard est un peu plus complexe. Il existe en fait 4 termes, 4 différents phénomènes sous le nom de blizzard. Phénomène météorologique. À matin, je n'ai pas fait mes exercices de bouche. Militarologique. Météorologique. Alors, le premier type de blizzard, il s'agit vraiment tout simplement d'une tempête de neige puissante, prolongée, basse température, vent très fort, changeant, chargé de flocons, avec de la neige qui réduisent considérablement la visibilité générale. Genre un espèce de bon vieux blizzard de comme on connaît au Québec. Old school. Old school blizzard. Là, genre, vintage. Ouais, vintage. Les écoles ferment pis tout le kit, puis les enfants jouent dehors. S'ennuient pas à tout. Excusez-moi, un clin d'œil à François Pérus. C'est tout le temps ça, hein, dans le fond. Et voilà. Le deuxième type de blizzard, c'est en fait une poudrerie sans neige, sans chute de neige. Donc, il s'agit tout simplement du vent qui déplace la neige déjà tombée la veille, ou la surveille, ou la sursurveille, ou l'avant-veille, ou je sais pas quoi, là, le lendemain de veille. Et la neige qui était sur le sol est soufflée par le vent, et le vent fait en sorte qu'on ne voit plus rien en avant de soi. En anglais, ils appellent ça le ground blizzard, donc un blizzard de sol. Les troisième et quatrième types de blizzards, eux autres, se produisent en montagne. Dans les deux cas, il n'y a pas de chute de neige non plus. Le troisième cas, plus particulièrement, on appelle ça un blizzard de surface, où le vent va emporter des grosses plaques de neige qui se forment en montagne. C'est un peu le même principe qu'un blizzard, le ground blizzard du numéro 2, sauf en montagne, c'est-à-dire qu'on voit vraiment, mais vraiment fuck all. Et en quatrième lieu, on appelle ça le brouillard blanc, où au lieu d'avoir en fait de la neige, c'est comme des fines particules mi-mouillées, mi-neigeuses, minuscules, qui sont très, très craintes en fait par les conducteurs d'aéronefs. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils peuvent se loger, bien, les particules, effectivement, vont aller se loger dans le moteur, mais c'est-à-dire qu'ils peuvent... créer comme une espèce de croûte de glace dans les moteurs. Puis, tu sais, dans les films où il s'écrase en montagne ou où il neige, c'est ça qui se passe. C'est le brouillard blanc. Mais comment se forment les blizzards? Okay? Parce que les blizzards, en fait, celui qui va nous intéresser, c'est le premier, puisque les autres, ben, de un, on n'a pas vraiment grand montagne, et de deux, les blizzards, où ça fait juste soulever la neige par terre. C'est du vent. Mais, essentiellement, un blizzard se forme lorsqu'il y a une dépression en intensification, donc une dépression, une zone de dépression qui est de plus en plus déprimée, qui est de plus en plus une Prozac, et qui se dirige vers un anticyclone plus ou moins stationnaire. Donc, on a, comme disons, on est à Trois-Rivières, il y a un anticyclone qui, en passant, un anticyclone est principalement caractérisé par un très lent mouvement vertical descendant d'air. Fait qu'il y a de l'air qui descend tranquillement pas vite sur la ville de Trois-Rivières. Fait qu'il fait doux. Hein? On est en plein hiver, mais il fait à peu près quoi? 0 à moins 5. Il fait soleil. C'est vraiment du beau temps. Il n'y a pas de nuages. On va faire de la raquette. Hein? On va faire de la raquette. Mais c'est souvent là que le lendemain matin, Colette Provencher que blizzard! OK? Ou est-ce qu'il y a une dépression? Maudit hystérique, hein? Colette Provencher, hystérique, c'est connu? Évidemment. C'est connu. Pas capable de se retenir en onde, elle. OK. Alors, il y a une dépression qui arrive à vive allure sur cet anticyclone qui nous a permis de racketter toute la journée, la veille, hein? Et cette dépression-là va venir à proximité de l'anticyclone et va causer ce qu'on appelle un gradient de pression, c'est-à-dire une différence de pression. Donc, quand les deux sont très proches, la différence de pression est tellement grande. Un est à faible pression, la dépression. L'autre est à grande pression, l'anticyclone. Et c'est ça qui crée les vents très, très, très, très, très important. Et quand ça, ça se produit en plein milieu d'une tempête où il y a de la neige qui tombe, ça fait en sorte que la neige, à la place de tomber à la verticale, elle tombe à l'horizontale. Ben, en fait, elle tombe pas, elle fait juste comme jamais se déposer. Jamais, jamais, jamais. Voici comment ça se passe, hein, des blizzards. C'est quand même assez intéressant. Intéressant. Mais là, vous pouvez vous demander... Oui, parce que les blizzards sont assez intenses dans les champs. C'est parce qu'il n'y a rien pour couper le vent. Non, mais c'est vrai, en fait, les blizzards, nous autres, on a beaucoup plus de tempêtes de neige en tant que telle, à proprement dire, au Québec. Tandis que dans les dans l'Ouest canadien, ils ont vraiment beaucoup plus de blizzards juste par l'effet de... Ben, il n'y a rien, mauditement. Mais si vous voyez Saint-Laurent, il y a une région où il y a des champs d'un bord, oui, puis le fleuve de l'autre, c'est horrible. Dans le coin de Rivière-du-Loup, oui, ça tue. Ça tue. C'est vraiment ça un coin qui tue. Oui. Ben voilà. Est-ce que vous vous demandez aussi c'est quoi la différence entre une tempête de neige versus un blizzard? Sûrement, j'imagine, oui. Oui, on a le public en studio qui dit oui. Laurent, dis-nous oui en ondes. Oui, on veut savoir. OK. Oui. Comme je vous ai dit, dans le fond, un blizzard, il faut vraiment que ça soit caractérisé par les trois critères que j'ai mentionnés en haut. Visibilité inférieure à 400 mètres, ça, c'est super important. Ça fait en sorte qu'on ne peut pas avoir de blizzard si on voit quelque chose sur la route. Donc, il fait un blizzard dehors, là. Oh. Ben, si tu vois, dans le fond, le char dans un demi-kilomètre, tu n'es pas dans un blizzard. Ouais, ça, on oublie ça. Et quant à la neige, est-ce que vous vous êtes déjà demandé, hey, il est tombé un pied de neige, pourquoi que genre en été il tombe pas un pied d'eau? Ça rentre dans le sol? Non, c'est pas aussi vite que ça. C'est moins gros. Non, mais saviez-vous en fait que... Oui, c'est moins gros en fait. T'as tout à fait raison. Dans le fond, la neige, quand ça se crée, la portion d'eau est contenue dans seulement un dixième du flocon. C'est-à-dire que l'eau ne constitue qu'un dixième d'un flocon. Le reste, c'est de l'air. C'est comme quand tu mets un 7-Up dans le congélateur. C'est un peu... Ça explose. On allait comparer ça à la tête d'un conservateur. Là, genre, un dixième de cerveau, puis le reste, c'est juste genre de l'air alentour. Mais bon, yeah, écoutez. Ah, c'est pas fin, je m'excuse. On n'endosse pas ses propos. Là. Non, endossez-moi pas. Là. Je me présente comme député. OK. Alors, c'est pour ça que, disons qu'il tomberait... 1 mm d'épaisseur d'eau en été, ben il va en tomber 10 cm en hiver. C'est pas parce qu'il pleut plus, là. Non. Fait que ça veut dire que dans les régions tropicales, où ce qui peut tomber jusqu'à 20 cm d'eau, une maudite chance qu'il ne neige pas, parce qu'on aurait 200 mètres de neige. Puis là, après ça, tu vois plus... C'est Pierre Bruno qui réagit, une blague de collègue provençale. Et là, les singes, ben il n'y en a plus. Hein? Et voilà. Alors, sans plus tarder, on va tout de suite écouter des chansons à l'effigie des blizzards, cette jolie température québécoise. Et on va tout de suite aller entendre la chanson « Blizzard » de Fauve. Excellent groupe français que j'espère vous allez aimer aussi. Bonne écoute à Justine Pertine, à Assemblage requis, aux ondes de C'est fou 89.1. Je tombe bonne. Merci, Colette. Je te demande si tu es une bête féroce ou bien un saint. Mais tu es l'un et l'autre. Et tellement de choses encore. Tu es infiniment nombreux. Celui qui méprise. Celui qui blesse. Celui qui aime. Celui qui cherche. Et tous les autres ensemble. Trompe-toi. Sois imprudent. Tout n'est pas fragile. N'attends rien que de toi. Parce que tu es sacré, parce que tu es en vie, parce que le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être. Faire des trucs pareils. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Qu'est-ce qui va pas? Parle-moi, tu sais que tu peux tout me dire. Mais non, mais c'est des conneries tout ça, tu le sais. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi. On s'en branle, c'est pas important. Moi je te trouve magnifique. Depuis la première fois que je t'ai vu d'ailleurs, je m'en suis toujours parmi. Et puis comment je presse en toi, moi? Et puis comment l'univers il presse en toi? ça pourra jamais fonctionner, c'est impossible. Alors faut pas pleurer, parce que ça va aller, je te le promets, ça va aller. Parce qu'on est de ceux qui guérissent, de ceux qui résistent, de ceux qui croient au miracle. Pas de ceux qui disent que lorsque les tables bougent, c'est que quelqu'un les pousse du pied. Et un jour tout ça on n'y pensera même plus, on aura tout oublié, comme si ça avait pas existé. En attendant passe tes bras autour de mon cou si tu veux, pendant que je te répète ces phrases qui nous donnaient de l'élan. Tu te souviens? Tu te souviens? Tu nous entends le blizzard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire enculer. Tu pensais que t'allais nous avoir, hein? Tu croyais qu'on avait rien vu? Surprise, connard! Tu nous entends la honte? Tu nous entends? Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi toute seule le soir. On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire avec des objets en métal ou de te laver la tête avec du plomb. Qu'est-ce que t'en dis? Tu nous entends la tristesse? Tu nous entends? Si tu nous entends, c'est que toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac. Prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche. Et aller niquer ta race, félicitations, bravo. Tu nous entends la mort, tu nous entends. Si tu nous entends, sache que tu nous fais pas peur. Tu peux tirer tout ce que tu veux, on avance quand même. Tu pourras pas nous arrêter, et on laissera personne derrière. On laissera personne se faire aligner, tout ça c'est fini. Sache qu'on a un genou à terre et qu'on est désolé. On est désolé de tout ce qu'on a pu te faire, mais on va changer. On va devenir des gens bien, tu verras. Et un jour tu seras fier de nous. Tu nous entends l'amour, tu nous entends. Si tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêt maintenant. Ça y est, on a déconné, c'est vrai, mais tu on a compris. Et là on a les paumes ouvertes avec notre cœur dedans. Il faut que tu le prennes et que tu l'emmènes. Tu nous entends l'univers, tu nous entends. Si tu nous entends, attends-nous, on arrive. On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. On cherche la porte du nouveau monde pour pouvoir s'y fondre en grand. Tu nous entends, toi qui attends, tu nous entends. Si tu nous entends, souviens-toi que t'es pas tout seul, jamais. On est tellement nombreux à être un peu bancal, un peu blizzard. Et dans nos têtes, y'a un blizzard. Tobé mystique, loser au grand cœur. Il faut qu'on sonne l'alarme, qu'on se retrouve, qu'on se rejoigne, qu'on s'embrasse, qu'on soit des milliards de mains sur des milliards d'épaules, qu'on se répète encore une fois que l'ennui est un crime, que la vie est un casse du siècle, un putain de piment rouge. Nique sa mère le blizzard. Nique sa mère le blizzard. made of, but it feels like love, love, love. Oh yes, and it feels like touch, touch, touch. C'était The Cooks avec Stormy Weather. Juste avant, on entendait Malajub avec leur très bonne chanson, Le Blizzard. Et en premier lieu, il y avait Fauve avec Blizzard. De quoi qu'on parlait? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nagram glacé. Alors, des Blizzards, on avait eu une question c'est ça en j'ai studio. Dit. C'est ça qu'elle a dit. Voyons, Colette, franchement. On avait eu une question en studio. Anticyclone, est-ce que ça amène des précipitations? Est-ce qu'il fait frais? Est-ce qu'il fait chaud? Essentiellement, un anticyclone, l'été, vous allez entendre Colette Provencher dire ah, il y a un anticyclone, puis c'est toujours bon signe. Effectivement, c'est bon signe parce qu'il va faire chaud, aride et pas de nuages. Donc, c'est le parfait temps pour se faire griller les nipples. tandis qu'un système dépressionnaire, qu'on soit l'été ou l'hiver, il va s'agir de précipitations, de nuages. En été, ça se peut que ça l'amène du temps plus frais. Mais en hiver, ça se peut que ça l'amène du temps un peu plus chaud parce que la dépression, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un mouvement d'air qui circule vers le haut. Donc, on a une baisse de pression parce que en fait, l'air s'en va vers le haut. Elle arrête de peser sur nous qui sommes des humains pour la majorité. Et c'est ça. Cet air-là est remplacé par de l'air chaud environnant. Voilà. Fait que c'est pour ça que quand il fait des grosses tempêtes de neige, je ne parle pas de blizzard, des grosses tempêtes de neige, souvent, il fait beaucoup plus doux. Tu sais, des espèces de gros flocons de Mongol, des espèces de flocons mégalo-flocons. Là, c'est des gros flocons. il fait entre quoi 0 et moins 5, puis c'est vraiment doux. Mais un blizzard, dans le cas du blizzard, ce qui va se passer, c'est que puisqu'il y a un clash entre un anticyclone et la zone de dépression, il va y avoir des vents extrêmement important et ces vents-là vont causer un refroidissement éolien de sorte que, selon Wikipédia, des gens peuvent en mourir. Selon notre collègue Wikipédiane, qui est notre secrétaire. Wikipédiane. Oh, I like that. Grrr. Thank you. Ah, j'aime ces jupes. Bon, alors, c'est pour ça, c'est à ça, en fait, la question. Anticyclone en hiver, hein, ça amène-tu du chaud? En fait, plutôt, ça va amener du froid. Probablement, en fait, Stéphanie, elle a apporté une précision, un bout de connaissance que je n'étais pas certaine. C'est qu'il s'agirait, selon toi, Steph, que... De l'effet de serre. Quand les nuages sont là, ça empêche l'air chaud de s'en aller, puis de rester près du sol. Mm-hmm. Fait quand il n'y a pas de nuages dans un anticyclone, c'est pour ça que ça, c'est des journées à Vallée-du-Parc où c'est écrit sur l'espèce de truc où ils disent la température, hey, fais-moi 25. Fait que là, vous le mettez en photo, vous le mettez sur Facebook, hey, on a bravé le froid. Puis en plus, quand vous skiez, ça a un effet éolien artificiel parce que vous allez genre 70 km/h, pas de casse, les maudits. Comme un blizzard. Comme un blizzard. Like a blizzard. Hey, j'ai une dernière question pour vous autres. Savez-vous c'est quoi le vrai terme pour banc de neige? OK, bonne chance. Hein? Steph, toi qui es bonne en français, là, good luck. Nama. Je sais-tu, moi? Un mot. C'est vraiment juste un mot. Hein? C'est un mot. Je m'en rappelle plus, j'ai déjà entendu ça. Ça faisait une musique de quiz en plus. Un coteau. Ouais, mais... Attends, attends. Un trottoir de neige. Vous êtes pas loin. Écoute, check, check. Une courte pointe. Tu l'as dit? Ah, mais c'est là. Bande neige, ils disent que c'est congère. Oui, c'est un congère. Un congère. Fait qu'en France, ils appellent ça un congère. Et au Québec. Ils ont pas ça vraiment souvent de la neige, eux autres, tant que ça. Un congère. Oh, regarde, un congère, cher confrère. Ouais, ils doivent pas avoir la même définition de congère. Eux autres, ça doit partir plus petit, un congère. Hein? 200 mètres de congère. Franchement, oui, ça doit être effectivement plus petit. Nous, en fait, aussi, au Québec, on appelle ça quoi? Attends, comment qu'on appelle ça donc? Eux autres, ils appellent ça le chasse-neige. Nous autres, on appelle ça de la poudrerie. Une charrue? Non, oh, la poudrerie. Charrue. On dirait, oui. C'est ça. Fait qu'au Québec, un chasse-neige, c'est soit une technique de ski ou bien une charrue. Et non pas quelqu'un au bord. Mais eux autres, c'est de la poudrerie? Non, nous, on appelle ça de la poudrerie. Oui, mais eux autres, c'est du chasse-neige. Eux autres, ils appellent ça le chasse-neige. N'importe quoi. Ouais, ils sont bizarres, hein, les Français. Ils connaissent rien en neige. Un Swiffer en neige, ça marche pas. Là. C'est vraiment cute. Fait que c'est ça. Fait qu'en fait, à chaque fois que vous allez... Ils sont tellement naïfs. Sur les sites où ce qu'ils parlent scientifiquement là, des blizzards, ils vont vraiment tout le temps spécifier les termes pour le Canada français et pour la France. Okay. C'est à ce point grave où on n'utilise vraiment pas les mêmes termes. J'aurais jamais pensé ça. Je vous le jure. Et c'était tout pour ma chronique Justine Pertine au sujet des blizzards. Je te crois. Merci, Colette. Hey, ça m'a fait plaisir. Justine Renaud. Et c'est Pierre Bruno. En antenne de C'est fou. Ah ouais, si seulement. Si seulement il pouvait venir nous sauver, Pierre Bruno. Enfin monter la station à un autre niveau. Step it up a notch. C'est ça. Donc, on se retrouve jeudi prochain dans deux semaines. Dans deux semaines, jeudi, dans deux semaines. Oui. À 8h. Oui, à 8h. Pour ta chronique, Justine Pertine. Oui, je suis pertinente. Merci, Justine. Ça m'a fait plaisir. Ça n'a pas l'allure. Ça n'a pas l'allure, tout ça. Dans quelques instants, on va avoir Jean-Philippe Charbonneau, un homme de grand talent qui va venir nous révéler enfin qui va performer ce soir au Soir Caché, c'est fou. Oh mon Dieu, j'ai hâte de savoir. Ça doit être lui. Je suis toute nerveuse, là. Le suspense est là. Hey, c'est vrai, t'étais là la dernière fois. J'étais là. Toi, tu l'as trouvé. Écoute, premier indice, tu savais c'était quoi. Puis nous autres, ben là, c'est quoi qu'il avait dit? Ils viennent de Montréal. Je dis, Random Recipe. Ou son 4. Oui, son 4, Random Recipe. Qui d'autre qui est 4 au Québec? Les 3 accords. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Sont-tu 4, les 3 accords? Il est à 5, son 4. OK. Je pense. Ça pourrait être encore ça. Ça pourrait être ça, là, le mois de novembre, les 3 accords à la Chasse-Galerie. Ça se pourrait. Moi, j'ai dit Arcade Fire. Oui. Parce qu'un des indices... un des indices, c'était qu'il avait gagné quelque chose à l'Anti-Gala. Voyons. Le Carve, l'Anti-Gala? Non, c'est ça. Avec Éric Salvaire. C'est l'autre gala. L'autre gala de la 10, pas l'Anti-Gala, pas en tout. Yark. Excusez-moi. Je viens de mettre une opinion. Guy Jodoin, il est triste, là. Ah, oh, je m'en fous un peu. On va sortir, je pense, avant que JP arrive, à la liste complète, je pense, pour pouvoir au moins se donner un champ de recherche. Puis prépare 2-3 tours dans Arcade Fire. Moi, j'ai confiance en Justice. Parfait. Oui, c'est clair, ça va être Arcade Fire, ça rentre. Même on pas tous nos instruments dans la chasse. Ça va être au 10-12, on sait pas, peut-être, on sait pas. Ah, oh, ça va être au 10-12? On sait pas. Ah. On sait rien, nous. Je sais pas. On est juste des animateurs et des chroniqueurs, on n'a aucun talent en rien. Laurent est détective professionnel, peut-être que tu vas pouvoir le trouver avant nous, on sait pas. Oui, détective professionnel, j'ai ma licence. Le chapeau. Kellogg, je sais pas, non. La licence Kellogg. Dans une boîte de céréales, j'imagine que c'était ça. Oui. Ouais. Donc, on se va entendre Oli Laroche avant la pause. Oui. Écoute ça, c'est une nouvelle entrée du palmarès francophone. Voici Enveloppé ensemble. 89 FM, c'est fou. L'entrée de l'île Laroche sur le palmarès francophone s'est enveloppée ensemble à l'Assemblage Requis. On prend une pause et au retour, c'est Jean-Philippe Charbonneau et les soirées cachées, c'est fou. On a sorti plein de noms. Là. Plein de noms. Angèle Dubois, Arthur L'Aventurier. C'est ça, Grégory Charles, entre autres. Éric Lapointe. Oui, ben oui, c'est sûrement ça. Foot électro. 89.1 Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce jeudi matin du 6 novembre 2014. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, on vient de remplir notre studio à pleine capacité légale pour accueillir les assurances. Une cinquième personne. Donc, on a toujours Stéphanie Paradis, Justine Renaud, Laurent Constantin est là encore. Et on a Jean-Philippe Charbonneau. Salut! Salut Jean-Philippe. Salut Mathieu. Ça va bien? Salut à vous tous. Ben ouais! Salut. Mais non, mais c'est parce qu'il est proche. Ouais, on est vraiment intime. On n'anime pas à côte à côte. D'habitude, on anime face à face. Il n'y a rien là. Moi et Justine, on croise. Ils ont croisé leur pied de micro pour réussir à bien s'entendre, mais c'est comme ça, ils sont tellement proches ces deux-là. C'est une proximité maritale, là. Tu sais, là, le bout où ils se croisent les bras ou ce qu'ils boivent de la coupe de l'autre ou de sa coupe, mais en tout cas, en s'entrecroisant les bras dessus-dessous, c'est hyper sexuel. Tu dis n'importe quoi, puis là, ça émoustille tout Laurent. Tout Laurent. Pas juste une partie de Laurent, tout Laurent. Tout Laurent au complet. Bon, donc, Jean-Philippe, bonjour à toi. Salut. C'est évidemment le directeur général de Cifouzon de Campus, le groupe des médias étudiants de l'UQTR, qui est ici dans l'UQME, qui est ici en sa fonction de DG, non pas en sa fonction de co-animateur des Palmarès Cifo avec moi les mercredis après-midi. Je peux mettre deux moitiés de chapeau. OK. Oh, différent. Un chapeau de pimp puis un chapeau genre... De pas pimp. De pas pimp. Ça serait pas pire. De DG, un chapeau de DG. Ouais. C'est de la classe. Là. Chapeau donc, de cowboy. Ouais. T'es ici pour nous parler des soirées cachées, c'est fou, qui ont lieu une fois par mois, un jeudi à 22h à Chasse-Galerie. Et là, ça donne que c'est aujourd'hui, ce soir. Ben oui, c'est pour ça que je suis là. Hein? Ben oui. Puis, en fait, ça va être la soirée cachée de ce soir, plus particulièrement qu'on va parler ce matin. Ouais. Et puis, je vais y aller dans le même concept, concept que j'ai donné un indice, Justine va trouver. Là, j'essaie de trouver... Puis là, tu vas pédaler. Oui, c'est ça. Puis là, j'essaie de cacher que je le sais que c'est ça. Ouais, ben toi, t'es le seul à savoir en studio. Nous, on est quatre à ne pas savoir. On va tous avoir les mêmes chances. Ouais. On part à zéro. On a même pas demandé d'indice, il n'y a pas eu de sous-doyance, d'enveloppe de vin. Pas de vin. Toute façon, on a déjà tout un peu notre idée de fête. J'ai entendu ça ce matin. Oui, moi je disais Arthur l'Aventurier, sinon... moi je disais Arcade Fire, parce que je peux toujours rêver. Hein. Ben oui. C'est ça. Sinon, on avait Angèle Dubois. Bobby Bazzini. Ah oui, des bons choix. Est-ce qu'on est prêt à poser des questions, JP? Oui, allons-y. Dans le format habituel... Je suis tout énervé. Aussi. Alors, mon premier. Donc, sur cette musique du père, je me fais shaker la clé. Oui, shake-toi la clé. Oui. T'es bon là-dedans, shaker les affaires. Oui. Les épaules, la tête. Avez-vous vu que l'annonce de la première partie? Avant toute chose, on va y aller avec la première partie. C'est tellement pas important, mais vas-y quand même. Non, mais si vous le savez pas, je pourrais essayer de vous le faire deviner. Comme ça, on va garder le suspense. Mais je pense que Justine le savait. Non, t'as pas vu. Première partie. Oui, parce qu'il y a une première partie ce soir. Attends, c'est-tu le gars de Mauve de je sais pas quoi? Ça porte bien mal, en tout cas. Je m'excuse, c'était quoi ce que j'ai lu en diagonale? il faut que j'aille chez l'optométriste en fait. Je vous ai pas expliqué. Mes yeux, ils lisent. Chaque fois que j'essaie de lire, ça tombe en bas. Je comprends pas. Bon, je pourrais vous dire qu'elle a fait Les Gros Dimanches récemment. Ah, c'est une fille. C'est une fille. Elle a fait Les Beaux Dimanches. Les Beaux Dimanches, ça fait 20 ans. Les Gros Dimanches. Les Gros Dimanches, ok, c'est pas un film. Attends, Sophia Nolin. C'est avec un tia, par exemple. Sophie Lorrain. Sophia. Sophia Nolin, oui, qui sera la première partie. Ah, je suis dyslexique. C'est lui que j'ai lu en diagonale. C'est elle. C'est une fille, malgré les cheveux courts sur le côté. Oui. Elle a l'air sympathique. Oui, vraiment. Mais tout ça n'a aucun rapport, puisqu'on est là pour parler de la partie principale, puisque tout le monde le savait presque. En tout cas, on l'a publié hier, que c'était Sophia Nolin. Ça fait le tour. Donc, allons-y pour l'indice du band principal. Donc, c'est un band. OK. Ça commence bien. Je vous dirais qu'ils sont 6. Oh, là, d'habitude, ça fonctionne. Justine, sont 6. Un band, sont 6. Ben là, s'il était 7, ça serait Arcade Fire. Parce qu'on peut en greffer un. Non, mais c'est ça, pour couper des coups, on a enlevé un musicien d'Arcade Fire. Fait que c'est Arcade Fire avec 6 musiciens. Ça coûte moins cher. C'est bon. Je me demande comment ils ont décidé qui venait pas. C'est le chanteur. La courte pas. Bon, sans parole, ce soir. 6. Version acoustique. 6 membres. 6 membres. Ça me dit absolument rien les nombres de membres du tout. Un instant, là, que je pense. Un autre indice, là! Un autre indice, c'est que c'est tellement pas facile. Et ils font... Parce que toi, t'as rien préparé, là. Tu t'en venais ici, t'as pas comme préparé ça, l'indice. Et ils font de la indie pop orchestrale. Attends, que ça sonne bon. Est-ce que c'est Arcade Fire. Est-ce que c'est Power Up First? Non. Non, c'est bon, Power Up First. J'aime ça. Et... Parce que tu as été nominé aussi. Il faut dire que c'est des nominés de l'autre gala de la disque, oui, 2014. Et effectivement, c'est vrai. En plus, vous en avez parlé. Est-ce que vous avez sorti la liste finalement? J'ai sorti la liste, mais il y a tellement de monde. Ils ont été nommés. Non, mais ça veut pas dire que gagnant. Pas nécessairement. Ça, ça aurait pris 3 heures à en parler si on avait sorti tous les gens qui ont été nominés à ça. Mais bon. L'autre c'est Bio Bazar. Dany Janvier du 10. Ça coûte pas cher, ça. Non, mais ils sont 6. Ils sont 6. Oui. Ouais, Dany. Ben, Dany, il parle pour 6. Groenland! Oui! Ah! Oh, ça va être excellent! Je suis donc bien contente! Bravo! C'est parce que l'annonce est sortie sur Facebook, genre. Non! Hey, est-ce qu'ils sont pas le plus programmé à 40, genre? Ah, ben oui! Hey, je crois qu'il était 41. Hey, faudrait que tu t'installes un bouton pour pouvoir le publier après l'avoir dit en ongle. Ah ouais, je pourrais. Non, ça n'a pas été publié, là. J'ai tapé Indie Pop Orchestral. Ah, ça va! T'as vraiment tapé ça. Elle use les mêmes stratégies que je faisais quand tu me posais des questions, mais. C'est une vraie détective. Oui, pour de vrai. Donc, oui. J'ai eu la même boîte de céréales que Laurent. Donc, j'y allais, la prochaine, ça aurait été, c'est un pays. Oh, mon Dieu, qu'on l'aurait eu, là. Ouais, c'est même pas un pays. Oui, je pense. Non, ça fait partie du Danemark, ça? Oui. Mais je pense que c'est pas considéré une région autonome du Danemark. Oui, okay. Ça fait partie des 4 régions indépendantistes principales du monde, avec le Québec, les Catalans l'Écosse. Ouais. Je connais pas vraiment la politique danoise, là. Mais je veux juste les manger. Non, pas les Danoises, pas les Danoises. Hey, c'est confus. Il y a confusion ici. Sur un fond de viennoiserie. Oui. Mais c'est ça, faire de la radio à 5. Et voilà. Donc radio à 5. Hein, et pas puis, radio, c'est pas le show de ce soir. Radio à 5 et puis Ben à 6 ce soir. Puis Ben Affleck, c'est quand? Donc, c'est à 22h. À 22h, Safia Nolin va commencer pour un bon 25 minutes là, de première partie. On va continuer avec Groenland qui va finir la veillée. Ça va être une belle soirée. Oh, arrivez tôt, hein, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Oui. C'est où déjà, on peut rappeler le lieu? Oui, à la Chasse-Galerie. C'est 22h, c'est gratuit hein, pour tous, étudiants, non-étudiants, vieux, pas vieux, jeunes, bébés. Mais c'est dans un bar. Ayez vos pas cartes. Bébé. Non, c'est ça. Oui, mais il y a comme un flou. T'sais. Si, mettons, j'arrive avec un bébé à Chasse-Galerie, est-ce que tu penses qu'ils vont vraiment me sortir? Ils vont le donner à la DPJ. Toi, tu disais d'amener tes cartes. On se demandait avec Marie-Laurence Audet hier, si on sort notre carte de Costco, est-ce que ça peut marcher, étant donné qu'il faut avoir 18 ans pour avoir notre carte Costco? C'est vrai, ça. Bon point. Penses-tu que tu peux passer? T'as une photo là-dessus? Oui, il y a sa photo. Il y a une carte de crédit, t'as un American Express dessus. Mais je pense qu'il n'y a pas ta date de fête. Moi, non, mais il faut que tu aies 18 ans pour avoir la carte Costco. Fait que s'ils ont fait l'enquête pour te donner une carte Costco, c'est. Doorman, il sait pas ça. Il sait pas ça. Il va te bouncer en tabarnouche. Puis la photo est pixelisée au max. Chez Costco. To the max. Pas de signe astrologique. On va écouter une pièce de Groenland. On revient après pour en parler encore et on va parler des soirées cachées en général. Donc écoutons leur pièce vedette en ce moment, celle qui est en featuring sur leur Bandcamp. C'est Don't Fix Me Yet. On écoute ça. Et on revient après pour parler des soirées cachées. C'est fou avec GP Carbs. Charbs. Charbs. Et puis d'abonneau. C'est ça, ne pas le mélanger avec Louis-Philippe Carbonneau, disons le campus. C'est ça qui me dérange. I leave the crowd out now when I talk to myself to avoid the few traps where my heart starts to race. I'm getting high on the illusions to get by now. Are they yours or are they mine? Now who's to care how much love's to be given? Let's not it, but give it a reason or a name. Watch the fire grow. My old record. understand how you feel. You don't always have to please. I don't know what you've been told. Oh, it's not easy to hold. Back in, I want perfect when I need mistakes. I still have to learn to Don't Fix Me Yet par Groenland, assemblage requis. Toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Oui, monsieur. Et c'est le groupe qui va être ce soir au Soir Caché, c'est fou, Groenland, à 22h à Chasse-Galerie. Oui, puis là, je suis vraiment dans un toc. Je veux vraiment savoir, ils ont fait quelle première partie au Festivois. Okay. Là, je suis en train de défiler. Sur la grande scène, vous me dites, oui. Toi et Laurent, tantôt. Oui, on dit la première partie de Half Moon Run, mais il y avait, je pense, deux autres bands ce soir. Okay. Ça fait du sens, oui. Je pense que oui, Groenland est en première partie de Half Moon Run. Je pense que oui. C'est exactement ça. Yes. C'est exactement ça, Laurent. J'ai même pas vu le spectacle, mais je connaissais ma programmation. Ah, voilà. Tu connais ta programmation. C'est bon! Yeah. Donc, oui, c'est ça, Groenland, ce soir, 22h, ça commence, c'est à la Chasse-Galerie, à l'UQTR. C'est gratuit. Oui, vous avez juste à demander aux gens, c'est où la Chasse-Galerie? C'est où la Chasse-Galerie? Puis là, ils vont vous dire, c'est par là. Puis ils vont te juger parce que tu sais pas. C'est ça. Alors, on est rendu au mois de novembre. Juste pour régler une affaire, là, ça sert à rien de demander l'Utrecht. L'Utrecht, c'est vrai que ça arrive. Je sais pas pourquoi, mais une fois par semaine, on m'en parle. Pour vrai, ouais. C'est mort depuis combien de quinzaines d'années? 30 ans, je pense. 30 ans, ça. Ben donc deux quinzaines. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, les soirées cachées, c'est fou, c'est la deuxième de l'année. Il y en a eu une en octobre. Oui, on va en avoir une en décembre. Okay. C'était même... Random Recipe en octobre, faut le rappeler. Oui, c'était Random Recipe qui a lancé le bal 2014-2015. Groenland qui est la deuxième. Et puis, il va y avoir un autre band. En qui est évidemment. Ben oui, lui. Ça va être évidemment le band. Mais là, déjà, je vous dis que c'est un band. C'est pas quelqu'un tout seul. Okay. Et puis, ça va être le jeudi 4 décembre. Ah, c'est déjà prévu à l'horaire 4 décembre. Oui. Ça sent bien vite, dans quoi. Oui, c'est ça. Mais des fois, je veux pas mêler le monde. Tu sais, Groenland, c'est ce soir. Le 4 décembre aussi. En novembre, le 6. OK. 6 novembre. Novembre. Groenland. Groenland. L'autre band, 4 décembre. On s'en reparlera. J'espère tout le temps que tu vas t'enfarger puis te dire le nom du groupe. Oui, ça pourrait arriver. Si on en parle souvent, il va s'enfarger un jour. Oui, c'est ça. C'est à ça que ça a ton petit piton de genre... Il y a une... On n'entend pas. Là. Pour quand je m'enfarge... Allô? Je fesse dessus parce que c'est pas un bouton qui sert à quelque chose. Okay. Donc, ouais, il s'est fait rien, ce bouton-là. Okay. Donc, projet bien intéressant. On dévoile tout le temps le l'artiste ou le band le jour même, ici, à ton émission, Mathieu. À votre émission. Ça existe depuis quoi, 4 ans, genre? Oui, c'est la 4e année. Ouais. Donc, on en parle à chaque mois, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a qui arrivent en cours de route tout le temps. Oui, puis la meilleure loser, façon... Il y a deux façons de savoir ce qui se passe pour les soirées cachées. T'écoutes C'est fou. OK. Ou tu regardes la page Facebook. Je te corrige. Oui. Tu écoutes C'est fou et... Tu vas sur la page Facebook. Oui, c'est ça. Oui, merci. Eh bien, ça, c'est en second lieu. T'écoutes C'est fou pour connaître peut-être la musique qui va jouer dans les soirées cachées. Exactement. Qui est toujours bonne. Toujours. Et puis après ça, ben, tu vas facebook.com/soirée cachée. Ouais, c'est ça. T'as plus les soirées cachées dans Il y a eu un problème avec les programmeurs. Faut mettre des majuscules aussi. Faut mettre des 3W, des majuscules. C'est ça. Comme donc, le site de l'UQTR, c'est comme ça. Okay, ouais. Donc, facebook.com/ soirée cachée, c'est fou. Mais comme Steph l'a dit si bien, vous tapez soirée cachée, c'est fou dans Google. Hein, puis c'est vraiment très bien fait. Google. Ça te trouve exactement la page que tu cherches. C'est un miracle. C'est un vrai miracle. C'est génial. C'est les soirées cachées. Puis, Colin, c'est en plus, pour ceux qui s'ennuient, notre mascotte, le petit bonhomme avec des cheveux dans les airs, c'est là qu'il s'est réfugié. C'est là qu'il s'est réfugié, oui. Soit caché. C'est comme le bonhomme carnaval qui était avec les expos avant, puis s'est réfugié avec oui. L'équipe de sport avec des balles-ballons. Boule-balle-ballon. Tu parles pas plutôt de Youpi qui est passé Youpi, des expos canadiens, là. Il n'y a pas de bonhomme carnaval dans cette histoire-là. Un bonhomme carnaval, ça pourrait être très bien avec la mascotte des Nordiques si ça revient. OK! Wow! T'es tellement bon en sport, Mathieu. Moi qui t'avais lancé ma clé USB puis tu l'avais attrapé. Aïe, aïe, un vrai boule balle ballon. Boule balle ballon. c'est incroyable. C'est ça de la radio à 5. C'est oui, la radio à 5. Merci du P. Charbs. Oui, c'est comme la radio à 5 piastres. La radio à 5. Ça coûte seulement 5 piastres comme au son de mon âge. Hein. voilà. Fait qu'on se voit ce soir. Ben c'est gratuit, ans. Hein? Oui. C'est pour vous que c'est gratuit. Le 6 novembre. Oui. Et ensuite le 4 décembre. Exact. Mais pour l'instant, le 6 novembre. Ça va être encore gratuit le 4 décembre. Boule, balle, ballon. Voilà. Merci, Jean-Philippe Chardonneau. Bonne <Dans l'émission. rire> Directeur général de la Radio Campus, c'est Fou 89 FM et du journal Les étudiants en zone campus, ce qu'on appelle le GME, le groupe des médias étudiants de l'UQTR. Bonne journée. Bye bye. Tu restes, tu veux aussi. J'avais posé mes affiches. Pose tes affiches. Okay. Au moins, t'as pas à aller envoyer ton message sur Facebook vu que tu l'as préprogrammé tellement bon. On va écouter une autre pièce de Groenland sur leur précédent album de Chase. On va l'entendre, un extrait qui était sur le palmarès dans le temps, si je me rappelle bien, n'est-ce pas, Justine Renaud? Oui, je hoche la tête frénétiquement. Ouais, c'est laquelle déjà? C'est The Things I've Done. Ben voilà. Elle commence à l'instant. Merci. Groenland. Je l'aime beaucoup, celle-là. À son âge, Ricky. The Things I've Done par Groenland, qui va être en spectacle ce soir au Soir Caché, c'est fou. C'est à 22h à la Chasse Galerie. On va le rappeler, c'est sûr, plein d'autres fois. Maintenant, ce que je pense qu'on pourrait faire en cette fin de portion d'émission, cette fin de demi-heure, c'est aller écouter la première partie. On a dit que ce serait Safia Nolin. On connaît pas encore, nous, à Assemblage Requis, on l'a pas encore fait jouer. Donc, je pense que ce serait une bonne idée d'entendre son plus récent extrait, son simple, qui se nomme Igloo. On écoute ça? Ça fit avec les blizzards, je trouve. Pas mal, hein? Igloo. Ouais, attends un peu. Ça dit que... Ouais, c'est ça. Igloo. C'est maintenant. Ouais. Igloo. À son âge, Ricky. Safia Nolin. Les nuages s'écroulent sur ma tête. La mer avale mes pieds. Le vent comme un sale trait s'amuse à me faire plier. Et tout bonnement, je perds la cape sans jamais vraiment retrouver ma place. J'erre comme un fantôme amnésique dans les maudites rues de Limoilou, sous le regard des bouts de plastique en basse ville. Y'a mon igloo, y'a mon personne. Je parle qu'avec moi-même. Et la nuit, j'abandonne le débat et j'essaie de me taire. J'ai pris connaissance de la fonte que tout le monde y trouve son. Safia Nolin. La première partie des soirées cachées, c'est fou, qui auront lieu ce soir, 22h à la Chasse Galerie. Igloo, igloo, excuse-moi, je vais baisser. Igloo, igloo, igloo, igloo, igloo. Elle est non, notre... Toi. Elle va boire son verre à soir avec les autres. C'est donc, c'est ça pour ça. Come on, Bandcamp, ça va aller. Donc, vous êtes à l'Assemblage Requis. On prend une pause au retour. C'est le poste d'écoute. Donc, ceux qui trouvaient qu'il y avait beaucoup de musique en ce jeudi, ben, c'est on comme en ça. Encore. On en a encore. Donc, la prochaine demi-heure aussi. Restez là. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées sur les ondes de C'est fou. Dans quelques instants, ce sera le poste d'écoute avec Stéphanie Paradis. Ou là, ça va être le poste d'écoute avec Stéphanie Paradis là, c'est ça que tu veux me dire? Non, non. Non? OK. Attends, on va juste écouter... C'est parce que... Ah oui, OK, je comprends ce que tu veux dire. Parce oui. que si le, en fait, si le CD marche pas, j'ai d'autres pièces que je peux te présenter. J'ai pas nécessairement d'informations sur le band, mais j'ai d'autres pièces intéressantes à te présenter sur d'autres albums. On va essayer de régler le problème. Donc, commençons avec du Coco Méliès. C'est ça, je peux toujours te faire entendre d'autres choses. Donc, Coco Méliès, il a fait un album très intéressant. J'ai absolument rien à dire là-dessus, sauf que c'est bon. Parce que j'ai pas fait de recherche, c'est juste que c'est bon. Et la pièce est Winter Gloves. On l'écoute à l'instant? Ben oui, puis c'est bon. Assemblage Requis. Vous allez aimer ça. Before my Yes. C'est bon? C'est bon, hein? Ouais. Je trouve tellement qu'elle a une voix magnifique. Mm-hmm. L'album est Lighthouse. Voilà. Maintenant, on passe au poste d'écoute qu'on avait promis tantôt. Donc, le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Hey, hey, hey, le poste d'écoute. Qu'est-ce que je fais au poste d'écoute? Je vais fouiller dans les nouveaux arrivages de musique assez fou et je vous sors le meilleur, bien entendu. C'est un vrai Tammy. On pourrait t'appeler Tammy Verge. Non, ça va. Donc, aujourd'hui, Mathieu, je te présente, je sais pas, est-ce que tu connais The Millie Groove Band? Ça me dit quelque chose, je crois qu'il y a déjà eu une pièce d'eau dans le palmarès, mais en même temps, pas mal tout le monde a déjà eu une pièce dans le palmarès. C'est quand même ça. Ben déjà, il faudrait pas que ce soit son premier album pour que ça arrive. Aujourd'hui, je vous présente Bones of Things de Millie Groove Band. Donc, Millie Groove Band, c'est un groupe canadien indie rock qui est originaire de Toronto, constitué de Jason Nunes. Je sais pas comment tu prononces ça, là. C'est qui comment, ça? N-U-N-E-S. Je pense que c'est Nunez. Ça fait Noon. Ouais. Peut-être, ouais, Nunez, mais ça aurait pris un tilt sur le N, mais là, il l'a pas. Okay. Donc, à la voix, ensuite, et aux guitares et à la piano. Et au piano. C'est tellement de la belle piano. C'est parce que le mot était comme collé, donc ça m'a tout mêlé. Ensuite, on a Darcy Rego à la voix et à la batterie. C'est trop facile. Venant de Rego. Ouais. Brian O'Reilly à la guitare et au synthétiseur. Oh, vraiment? Ah, c'est lourd quand tu fais ça. Et finalement, petit Michael Small, à la basse. le groupe, écoute, a été formé en 1997. Ah, OK. C'est un vieux groupe. Ben, moi, je les connaissais de 2010, leur chanson Ghosts at My Back sur l'album Shimmering Lights dans le palmarès anglophone, c'est ce que je me rappelle. Donc, ça doit être prometteur. Oui. Donc, oui, et Bones of Things est déjà leur cinquième album et il n'est pas encore sorti. Non. Donc, c'est une exclusivité qu'on a pour vous, car vous pourrez seulement vous le procurer le 18 novembre prochain. Okay. Mais vous pouvez déjà le précommander sur leur site Internet et vous pouvez... c'est comme un bundle, là. Vous avez aussi le vinyle, le T-shirt qui est vraiment cool, ainsi qu'un sac réutilisable. Ah. Tu sais, un tote bag, là. Oui. Donc, un sac réutilisable, vraiment cool. J'ai été très étonnée de leur magasin en ligne, si on veut, qui est vraiment très complet, des super beaux t-shirts, vraiment cool. Ça vaut la peine d'aller voir, c'est très coloré, c'est très, très cool. Donc, on va s'en aller dès maintenant en musique pour aller entendre un peu de cette indie rock. Et on commence tout de suite avec une première pièce qui est Sunrise Old. Tout de suite, Assemblage Requis, c'est le poste d'écoute. poste d'écoute. Que c'était bon! La maison. Et ça, c'était de Millie Groove Band. Et on a ouvert ce merveilleux bloc avec Sunrise Old. Et tout ça, c'était tiré de l'album Bones of Things qui sort le 18 novembre. Donc, c'est en primeur qu'on vous fait entendre ça. Ouais, en exclusivité exclusive. Donc, comme je t'ai dit tantôt, Mathieu, c'est leur cinquième album quand même. Avant ça, en 2000, il y a eu Stars and Guitars. En 2002, Let It Grow. En 2006, Planets Conspire. Et en 2010, Shimmering Lights. Je sais pas si tu sais, mais en 2003, donc les trois premiers membres en fait du groupe, ceux qui ont vraiment formé le groupe, parce qu'il y a eu d'autres membres qui n'y sont plus aujourd'hui. Donc en 2003, Nunes, Small et Rigo sont apparus dans l'émission Joel Plaskett Emergencies Come On Teacher Music Video. Et ils ont joué aussi en 2004. OK, le band est apparu comme eux-mêmes dans un épisode de la comédie d'adolescents Radio Free Roscoe. Ah oui, pour vrai? Oui, tu Radio connais Roscoe, ça? Ben oui, Radio oui. Roscoe. C'est drôle, ça, c'était bon. Donc, ils sont apparus là-dedans comme eux-mêmes. Je trouve ça très drôle. Et je serais vraiment très curieuse de voir cet extrait. Ouais. Je sais pas si c'est possible de trouver ça quelque part. Sûrement. Je suis déjà allé voir les extraits de Radio Roscoe sur YouTube. Il y en a une couple. Je sais pas si celle-là est là. Mais écoute, je tenais à dire ça parce que moi, dans ma tête, je trouvais que Teen Comedy puis Radio, je trouvais que ça fitait vraiment avec toi. Il me semble que c'est ton genre de programme. Tout à fait. T'aimes ça, les petites affaires d'ado? Oui, toi, j'aime ça. Et c'est canadien, en plus. Bon, ouais. Donc on aime ça. Mm-hmm. Donc, suffit de parler de Teen Comedy. Mm-hmm. On retourne dès maintenant en musique. Toujours dans le poste d'écoute, on s'en va entendre Don't Wanna Say Goodbye. C'est le poste d'écoute de Sondage Rocky avec Stéphanie Paradis. star come and gone. Shine on, shine on. Je ne veux pas dire au revoir. Donc, je ne sais pas si tu as défini le titre de la pièce. C'était « Don't Wanna Say Goodbye ». Ah, excusez, j'ai pas fini. Là, bon. Je pense que c'est fini. C'est fini. Et voilà, je vous ai présenté The Millie Groove Band et son album Boards of Things. C'est leur 5e album, quand même. C'était très, très bon. Et comme ça dit sur leur SoundCloud, d'où on faisait jouer les chansons, c'est hashtag most excellent. Je trouvais ça parfait comme façon de le dire. C'est most excellent. Voilà, donc c'est tout pour le poste d'écoute d'aujourd'hui. Oui, déjà. Génial. Merci, Steph. Ça fait plaisir. On va se quitter tout à l'heure, à la toute fin de l'émission, avec une autre pièce qui aurait pu être dans le poste d'écoute si tu avais trouvé ça assez bon pour que ça mérite sa place, là. Ben, si pas tout l'album. Pas tout l'album. Veux-tu nous en parler avant qu'on conclue l'émission? Non. Non, on en parlera à la fin? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Ben, qui on va écouter la chanson, puis le nom de l'album, puis c'est qui, puis c'est quoi, hein? J'ai fermé mon fichier, donc je me souviens pas du titre. Bon, donc, d'accord, je comprends ton indice, ton clin d'œil voulait dire que ce sera la pièce Gold Digging Hoedown. C'est ça. Sur un nouvel album en anglais de Lisa Leblanc, oui. C'est Highways, Heartaches and Time Well Wasted. On va entendre un extrait de ça. Apparemment que tu me disais que ça sonnait pas mal tout pareil. Ben, écoute, à la première écoute, j'ai peut-être pas autant accroché que sur son premier album. Je dis pas que les pièces sont mauvaises, il y a quand même... quelque chose là-dedans qu'on aime. C'est que je te fais écouter ma préférée, bien entendu. Okay. Mais j'ai pas autant accroché que sur les autres. Peut-être que des fois, ça prend une deuxième, troisième écoute. Mais Lisa Leblanc, j'écoutais beaucoup principalement pour les paroles. Et je suis pas parfaitement bilingue, donc j'ai plus de difficultés à bien écouter les paroles quand je vais juste écouter une chanson. Donc peut-être qu'à cause de ça, ça m'accroche un peu moins. Mais cette pièce-là, je l'adore. C'est quand même quelque chose d'excellent. C'est parfait. On s'en fera une idée à toute fin de l'émission. Mais pour l'instant, c'est tout pour Assemblage requis. Oh! On sera de retour lundi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes. Dîner de con s'en vient à 11h. À tantôt, plus tard dans la journée. Ensuite, Créateur de son à 13h. À Livre ouvert, l'émission littérature à 15h. Une rediffusion du Mathieu Plante, Choc Mathieu Plante à 16h. À 19h, c'est 13e étage et à 21h, Radio Sonic. Mais dans quelques instants, dans environ 5 minutes, ce sera les filles de deux filles, deux styles. Une émission. 2-2-1! 2-2-1! 2-2-1! Toutouan! Non, t'avais dit qu'il fallait faire un chiffre impair la semaine passée, je me rappelle. Toutouan! J'ai mis la meilleure maman. Je viens de faire un chiffre impair. Ben, c'est ça. En tout cas, bref. C'était très bon. Donc, Toutouan dans quelques instants. Mais on se quitte avec Lisa Leblanc. Je m'excuse parce qu'on n'a jamais assez de Toutouan. C'est ça. Pour toujours, la suite, c'est comme une suite logique. T'en veux toujours plus. À lundi, Steph. Bye! Bye! On remercie Laurent Constantin, Jean-Philippe Charbonneau Justine et Justine Renaud.